Le Dieu incarné vient faire son œuvre. Il se cache humblement parmi les hommes. Il exprime la vérité, il les juge, leur montre le chemin de la vie éternelle. Les paroles de Dieu réveillent son omnipotence, réveillent ceux qui dorment profondément. Dieu juge et sauve l'humanité qui ne viendrait à la lumière. Ses paroles comme une épée à double tranchant exposent la nature corrompue des hommes. Tous parmi son peuple sont purifiés, ils vivent dans la lumière et l'adorent ensemble. Oh, ensemble. Les paroles de Dieu sont comme des éclairs, brillent de l'Orient à l'Occident. La gloire de Dieu s'élève et brille, illuminant l'univers entier. De toutes les nations, les élus de Dieu se rassemblent devant son trône. Ses paroles les conquièrent, les perfectionnent. Ils vivent dans la lumière et l'adorent. Ses paroles, comme une épée à double tranchant, exposent la nature corrompue des hommes. Tous parmi son peuple sont purifiés. Ils vivent dans la lumière et l'adorent ensemble. Oh, ensemble. Dieu a vaincu Satan et gagné la gloire. Sa grande œuvre est totalement achevée. L'humanité vivra dans la lumière. Elle louera son saint nom à jamais. Ses paroles, comme une épée à double tranchant, exposent la nature corrompue des hommes. Tous parmi son peuple sont purifiés. Ils vivent dans la lumière et l'adorent ensemble. Oh, ensemble.